Ce panneau vous indique qu'il faut céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. On retrouve ce panneau à l'entrée d'un passage étroit.